Extinction fossile. Des millions de bisons ont péri de mort naturelle dans les prairies au cours des 450 ans qui se sont écoulés depuis la découverte de l'Amérique. Leurs cadavres désagrégés et putréfiés ont été dévorés par les charognards. Leurs os et leurs dents ont résisté quelque temps aux intempéries, mais ont fini par tomber en poussière. On n'a jamais retrouvé d'os fossilisés dans les roches sédimentaires, seuls quelques os ont été préservés. D'après la théorie évolutionniste, certaines conditions sont indispensables à la formation des fossiles, des roches sédimentaires lentement constituées au fond des mers, et des os d'animaux qui se fossilisent après avoir été enterrés dans les sédiments. Les animaux terrestres doivent patauger en eau peu profonde, y mourir, puis être recouverts par les sédiments. Il faut que cela se produise rapidement, ce qui est tout à fait possible lorsque le sol s'affaisse. C'est pourquoi Darwin proposa d'admettre que l'effondrement du fond de la mer est une condition nécessaire à toute fossilisation. Mais d'autre part, l'affaissement ou le soulèvement du sol dans la théorie, uniformiste ou évolutionniste, est un processus très lent, qui prend beaucoup plus de temps que celui utilisé par un cadavre pour se décomposer dans l'eau. On suppose que les reptiles géants vivaient comme des amphibiens, à la fois sur terre et dans les eaux peu profondes, car on les trouve généralement à l'état fossile dans les roches sédimentaires. Cependant, leur squelette ne présente pas de signe d'adaptation à une existence aquatique. Leur corps pesait si lourd, dit-on, qu'ils cherchaient à barboter ou à nager. Pourtant, s'il leur était difficile de se mouvoir sur la terre ferme, leur peine devait être plus grande encore d'avoir à le traîner sur le fond vaseux des eaux littorales peu profondes. Pour les oiseaux, on suppose également que la mort les a surpris pendant qu'ils pataugeaient. Un poisson mort flotte en surface ou coule à pic, les autres poissons le dévorent rapidement, c'est une question d'heures. Pourtant, ceux qui sont pris dans les sédiments possèdent quasiment toujours un squelette complet. On les rencontre en bancs immenses, avec des milliards de spécimens, souffrant le martyr, mais sans aucune trace d'attaque d'un éventuel prédateur. L'explication de l'origine des fossiles par la théorie, uniformiste et évolutionniste, est en contradiction avec le principe fondamental de ces théories: rien n'a eu lieu dans le passé qui n'ait lieu dans le présent. Or, de nos jours, aucun fossile ne se forme. Les os pétrifiés de mammifères, de reptiles et d'oiseaux occupent souvent des étendues d'un seul tenant, comme il est difficile d'admettre qu'elles étaient uniquement des zones de passage à gué, de pataugeage ou d'échassier. On pense maintenant que ces animaux ont été noyés et enfouis à la suite du débordement de grands cours d'eau. Cette nouvelle version semble être, en certains cas, plus proche de la vérité, mais la dimension des régions continentales soumises à de telles inondations implique des événements catastrophiques et à grande échelle, bien plus graves que les crues saisonnières actuelles. Cela va une fois de plus à l'encontre du principe d'uniformité. Enfin, le processus même de la formation sédimentaire n'est pas sans présenter de problèmes. On admet qu'elle se poursuit continuellement, dans la mer grâce à l'apport des débris de roches charriées par les fleuves, ou arrachées par les vagues aux rochers de la côte, et surtout grâce à la vase ou aux myriades de squelettes calcaires des êtres éphémères, qui abondent dans les mers et qui, une fois morts, se déposent au fond. On affirme aussi que l'épaisseur de la roche sédimentaire permet de déterminer l'âge de l'océan. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, certains carottages ont révélé une quasi-absence de sédiments, prouvant ainsi qu'à certains endroits, les fonds des océans se sont créés récemment. En revanche, dans d'autres endroits, la roche sédimentaire est particulièrement épaisse, même sur la terre ferme, et se mesure parfois en milliers de mètres. Si un seul et même processus déposait continuellement et de façon égale la vase organique calcaire et les débris de roches dans les mers, alors les différentes épaisseurs des roches sédimentaires seraient aussi peu expliquées que la formation des fossiles. On peut expliquer ces deux phénomènes par les événements cataclysmiques du passé. Le fond des océans s'est soulevé ici et là, et s'est effondré ailleurs, le sédiment a violemment glissé, le contenu des profondeurs océaniques s'est répandu sur la terre, d'énormes vagues porteuses de débris ont englouti et enterré les animaux terrestres, de nombreuses avalanches de sable et de poussière volcanique ont enseveli la vie aquatique, les squelettes des poissons sont restés figés dans leur ultime position, sans se décomposer et uniquement dévorés par la douleur. Les empreintes de pas un peu partout, diverses sortes de roches portent les empreintes de pas d'animaux préhistoriques. Les dinosaures, par exemple, y ont nettement imprimé leurs pas. On explique ces traces en disant qu'ils ont marché sur un sol boueux, lequel a gardé les empreintes après durcissement. Ce raisonnement simpliste ne résiste pas à l'examen critique. Certes, les sabots des chevaux ou du bétail laissent leurs dessins sur un terrain détrempé, mais ceux-ci se désagrègent à la première pluie et disparaissent très vite. S'il est impossible de retrouver sur un sentier les traces des vaches qui l'ont emprunté quelques semaines auparavant, comment celles des animaux préhistoriques sont-elles demeurées intactes? Elles ont dû s'imprimer comme les sceaux appliqués sur de la cire à cacheter molle, qui durcit et conserve après les reliefs de façon durable. Le sol amolli sur lequel l'animal se déplaçait s'est rapidement durci avant toute altération. Il nous arrive de reconnaître les empreintes d'un chien ou d'un oiseau qui a marché sur du ciment fraîchement posé, ciment qui n'avait encore totalement pris. W. Monsieur Agar, R. F. Lin et C. R. Longwell, Géologie From Original Source, 1929, planche 28b. De même, du sable transformé sous l'action de la chaleur en une substance visqueuse en passe de devenir du verre, a pu recevoir et conserver des empreintes. Il se peut aussi que des traces sur un sol boueux non chauffé, aient été rapidement recouvertes d'une nappe qui a coulé dans les creux, et a plus tard disparu sous l'action des intempéries. Quand le Vésuve a détruit Pompéi et Herculanum au temps de Pline, en 79 AP, JC, la lave et les poussières volcaniques, ont rempli les ornières des rues, et les ont préservées jusqu'à nos jours. Dans l'éruption du Kilauea, qui en 1790 a causé la mort de nombreuses personnes, et d'une brigade de l'armée avéienne, les empreintes des hommes et des animaux pris au piège, sont restées fixées dans la cendre volcanique d'Urcy 494. Ainsi, devant des empreintes, quand bien même elles datent des temps historiques ou préhistoriques, il y a tout lieu de penser qu'un cataclysme naturel s'est produit au moment de leur impression ou peu après. Si une catastrophe menaçait ou était en cours, les animaux ont dû avoir peur et s'enfuir. Dans la plupart des cas, les empreintes montrent qu'ils ne pataugeaient pas en toute quiétude mais qu'en fait ils couraient, parfois de façon indécise, désordonnée, probablement piégés par quelques périls se rapprochant de tous côtés. Les animaux qui tentaient de sauver leur vie en fuyant ont dû succomber rapidement, écrasés ou asphyxiés dans le désastre. Le sol a été balayé par des vagues de sable ou de cendres, de la voûte d'asphalte, de ciment ou de silice liquide, puis probablement submergé par des inondations, et les empreintes sur le sol chauffé et cuisent jusqu'à devenir dures, comme de la pierre ont survécu jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous ne trouvons pas de traces d'animaux, qui ont vécu et circulé tranquillement il y a 100 ou 300 ans, alors que nous rencontrons celles de leurs prédécesseurs, imprimées au cours de fausses échappées, voici des millénaires. Des cavernes on a observé qu'en cas de grande panique, prédateurs et proies s'enfuient ensemble, mais les prédateurs n'attaquent pas, et les proies n'en ont pas peur. Ainsi, dans un incendie de forêt, chevaux et loups, gazelles et hyènes galopent côte à côte, saisis par la même terreur mais indifférents les uns aux autres. Lorsque les prairies brûlent ou que des jungles sont cernées par les flammes, les bêtes sauvages et les animaux, domestiques se regroupent en troupeaux inhabituels, et fuient dans un affolement général. Lors d'un tremblement de terre ou une inondation, ils perdent leur animosité envers les autres au profit d'une peur commune. On a également constaté que les calamités poussent les animaux sauvages à s'approcher des habitations humaines. Lors des grandes migrations, ils se comportent aussi différemment, les lemmings par exemple, qui détalent dès qu'ils entendent les bruits de pas d'un seul homme, envahissent maisons, villes et cours d'eau quand ils migrent, beaucoup périssant, mais continuant à avancer comme une vague immense. Les animaux cherchent à s'abriter des phénomènes qui les terrifient, inondations, chutes de météorites, incendies de forêt, signes annonciateurs effrayants dans le ciel. L'instinct les pousse à fuir dans une caverne, une cachette, ne serait-ce qu'un simple trou dans le sol. Il se peut qu'ils se souviennent de tels lieux, ou qu'ils se suivent simplement les uns les autres. Bien sûr, certains n'ont pas le temps d'y arriver, néanmoins d'autres y parviennent. C'est pourquoi lorsqu'on rencontre dans une grotte, les restes d'espèces qui d'habitude ne cohabitent pas, qu'ils sont mélangés et que les crocs des carnivores, n'ont pas broyé les os de leur proie coutumière, il est quasiment certain que ces animaux, espéraient échapper à la mort, sans se soucier des autres, attendant le passage ou la fin de la catastrophe. Certains ont peut-être survécu dans cet abri, retrouvant par la suite leurs instincts sauvages, mais en général, ils ont succombé étouffés par les gaz et la fumée, ou ont été emportés par les courants tourbillonnants, et les vagues qui les ont enterrés dans des sédiments. En de nombreux points du globe, le contenu des grottes indique qu'elles ont été utilisées par des lions, des tigres, des loups, des hyènes, des gazelles et des lièvres qui, voulant s'y réfugier, se sont en définitive retrouvés dans une fosse commune. Mais les grottes où l'on retrouve des ossements, n'ont pas toutes été forcément choisies comme refuge, souvent, des animaux ont été balayés par un raz de marée sur de grandes superficies puis jetés contre les rochers, et l'eau qui s'est engouffrée par les fissures, a laissé derrière elle des os cassés et des corps déchiquetés. Nous avons déjà cité dans ce livre des exemples de fissures où des os brisés en mille morceaux sont mêlés les uns aux autres, depuis la Chine jusqu'à l'Angleterre, en passant par la France et les îles méditerranéennes. Les cavernes des collines n'ont pas été épargnées, même si elles n'avaient pas été choisies comme refuge, elles ont aussi été remplies d'ossements. Un déferlement de la mer ou un grand lac soulevé de son lit, transportant ses propres débris de rochers et les débris terrestres, a dû happer sur son passage des hordes d'animaux composés d'espèces différentes, les entraîner au loin et les jeter dans des cavernes, les recouvrant de gravier, de rochers de terre. La caverne de Quimperlan, chapitre 5, en est une parfaite illustration. Si l'on trouve des os usés qui semblent avoir été roulés, il y a de grandes chances qu'ils aient été transportés sur un long parcours et qu'ils aient appartenu à des animaux morts depuis longtemps. Si les os sont plus ou moins intacts, c'est sans doute que le lieu d'où on les a extraits était un abri certes parfait, comme tombeau mais très insuffisant pour rester en vie. Et s'ils sont brisés, cela indique qu'ils ont probablement été fracassés contre des rochers ou un terrain résistant par une force naturelle phénoménale. extinction des mammifères. Beaucoup de formes de vie, beaucoup d'espèces et de genres d'animaux, qui peuplaient la Terre à une période géologique récente, celle de l'homme, ont complètement disparu sans laisser un seul survivant. Des mammifères parcouraient les plaines et les forêts, se multipliaient puis ils ont disparu sans présenter le moindre signe de dégénérescence, un groupe important a virtuellement disparu au cours des derniers millénaires. Les différentes espèces de mammifères, qui vivaient autrefois en Amérique comprenaient tous les chameaux, tous les chevaux, tous les paresseux, deux genres de bœufs musqués, des pécarismes, certaines antilopes, un bison géant possédant des cornes d'un mètre 80, un animal ressemblant à un énorme castor, un élan à forte ramure, et plusieurs sortes de félins dont certains avaient la taille du lion, l'éléphant royal et le mammouth de Colombie, tous deux plus gros que leurs congénères africains communément répandus en Amérique du Nord, ont également disparu. Le mastodonte qui habitait les forêts depuis l'Alaska jusqu'à la côte atlantique et le Mexique, et le mammouth laineux qui parcourait les steppes jouxtant les calottes glaciaires, vivaient encore il y a quelques milliers d'années. Le caniru, un loup des plus féroces, le tigre à dents de sabre, l'ours au groin court, le petit cheval, écuteau, font partie des races à jamais éteintes aussi bien sur l'ancien que sur le nouveau monde. C'est aussi le cas pour de nombreux oiseaux. On pense que ces espèces ont été détruites jusqu'au dernier spécimen à la fin de l'âge glaciaire. Des animaux forts et vigoureux sont soudainement morts sans laisser de descendants. Leur fin n'est pas survenue au cours de la lutte pour la vie, avec la persistance du plus apte. Apte ou inapte, mais le plus souvent apte, jeune et vieux, armé de dents acérées, bien musclé, pourvu de pattes agiles, jouissant d'une nourriture abondante, tout ont péri. Une fois de plus, le biologiste est désespéré, quand il constate la disparition de tant d'espèces et de genres à la fin du Pléistocène période glaciaire. C'est avec le mammouth laineux, que la race éléphantine a atteint la perfection. Comme l'a déjà montré Falconer et comme le savait Darwin, il possédait une dentition plus efficace que celle des éléphants modernes, et leur adaptation était parfaite à tous égards. La théorie de l'évolution avait là l'un des meilleurs exemples d'espèces, s'adaptant et évoluant dans la lutte pour la vie. L'homme de l'âge de pierre l'avait dessiné, peut-être en avait-il domestiqué quelques-uns. À Predmost, ville de Moravie datant de l'âge de pierre, leurs omoplates étaient utilisées dans la construction de tombes. On y a retrouvé les os d'un millier d'individus. Ils parcouraient en troupeau les immenses steppes du nord de la Sibérie. Ils ont succombé là, comme si une nuit particulièrement froide était tombée sur le pays et n'avait cessé depuis. Ils ne sont pas morts de faim, on trouva de la nourriture dans leurs estomacs et entre leurs dents. Le cadavre le mieux conservé fut exhumé près de Berezovka, à 1300 km à l'ouest du détroit de Bering, ses globes oculaires étaient intacts. Une hanche et une patte antérieure fracturées, beaucoup de sang coagulé dans la cage thoracique, de l'herbe restée entre ses dents serrées, sont autant d'indices de la violence et de la soudaineté de sa mort. L'animal était-il tombé dans une fosse, ou avait-il chuté à cause d'un ouragan ou d'une inondation? Il semble qu'un cataclysme subi et inattendu les a détruits, comme les rhinocéros, les bisons et d'autres espèces, dont les os et les dents sont la principale matière des îles de Nouvelle-Sibérie. Tapisse le fond de l'océan Arctique au nord de la Sibérie, et repose dans la terre gelée des toundras sibériennes. À la même époque, les mammouths disparaissaient aussi en Europe et en Amérique. Les mastodontes n'ont pas connu un sort plus enviable, ils ont été exterminés au début de notre ère. Ils ne manquaient pas de nourriture, elle se composait d'herbes, de feuilles et d'écorces, que l'on a retrouvées non digérées à l'intérieur de leur squelette. Ils vivaient sur tout le territoire américain, on en a déterré plus de 200, dans l'état de New York, mais on ignore pourquoi une espèce si répandue s'est éteinte. Les ossements fossiles de chevaux montrent que cet animal était très commun au Nouveau Monde avant la période glaciaire. Cependant, lorsque les soldats de Corté sont arrivés sur la côte américaine, chevauchant les montures qu'ils avaient amenées d'Europe, les indigènes les ont d'abord pris pour des dieux venus visiter leur pays, ils n'avaient jamais vu de chevaux. Quelques-uns se sont échappés et sont retournés à l'état sauvage, ils ont profité du pays, avec une végétation et un climat extrêmement favorables, et se sont rapidement propagés. Dans de nombreuses régions du Nouveau Monde, les chercheurs ont découvert de grandes quantités d'ossements fossiles de chevaux souvent imbriqués dans de la roche ou de la lave, la forme de leur os est là, même que celle de nos chevaux actuels. Pourquoi cet animal s'était-il éteint avec la fin de l'âge glaciaire, si le climat suivant leur était si favorable? Il y a bien eu, en Amérique, à une époque plus ancienne, des chevaux d'aspect différent, avec des pieds à trois doigts, et aussi une espèce minuscule de la taille d'un chat, mais d'autres, ressemblant exactement à ceux d'aujourd'hui y avaient aussi habité, et s'étaient éteints quelques millénaires avant l'arrivée de Corté. NDT, chez les ongulés actuels, le cheval et l'âne ont un doigt, la vache et le mouton en ont deux, le rhinocéros 3 et le cochon 4. Il suffit d'observer la forme du sabot, non fendu chez le cheval, fendu un fois chez la vache etc. Le cheval américain avait-il été exterminé par l'homme? Comme cela faillit être le cas du bison d'Amérique au siècle dernier, sauf que les trappeurs se servaient de chevaux pour les poursuivre et de fusils pour les tuer. En 1944, Sauë prétendit que la dernière faune de la période glaciaire a été anéantie par des chasseurs qui se servaient du feu pour rabattre le gibier. Or les hommes de l'âge de pierre n'auraient jamais pu, avec leurs incendies, détruire toutes les espèces animales d'un littoral à l'autre et de l'Alaska à la terre de feu. René, professeur à l'université de Pennsylvanie, a remarqué que dans certaines régions d'Alaska, les os de ces animaux éteints sont répartis sur une telle épaisseur qu'il n'est pas question d'y impliquer une œuvre humaine. Même si FOM se trouvait sur le théâtre de cette disparition, il n'avait ni l'appétit ni les capacités de perpétrer un tel massacre. Cette extermination massive et rapide de la faune nous permet absolument pas d'attribuer le phénomène aux seuls efforts humains. Même en tenant compte de ce que on sait sur leur tendance à détruire, il est difficile d'imaginer comment ces chasseurs, armés de javelots à pointe de silex, auraient pu tuer assez d'animaux jusqu'à totale extinction. Quelle que soit là où les causes véritables de cette extinction, il est certain que la fin de la glaciation vit aussi la fin des animaux exotiques de cette époque. Les falaises de glace ont peu à peu disparu du décor. Les hordes de mammouths barissants et les galops sonores des autres animaux ne se font plus entendre. Isley, de l'université du Kansas, ajoute « Nous n'avons pas affaire aux reliques d'une seule espèce isolée, mais à celle d'une variété considérable déformée du Pléistocène période glaciaire, que nous devons faire concorder, à la lumière de témoignages culturels, avec une période d'extinction à peu près similaire. » NDT, aujourd'hui, on pense que les grandes régions qui ont été épargnées par la glaciation sont l'Afrique, une partie de l'Asie, côté littoral sud et une partie de l'Amérique du Sud, moitié nord. Pilgrim devait probablement le savoir. Auquel cas, sa phrase signifie que les extinctions d'Afrique et d'Asie n'étaient certainement pas toutes dues aux conditions glaciaires. Cette extinction a-t-elle été causée par une maladie ou par le changement de climat à la fin de la période glaciaire? Le professeur Isley estime qu'une épidémie ou les conditions climatiques dues au retrait des glaces permettent d'expliquer une énorme réduction du nombre d'individus dans certaines espèces, mais ne donnent toujours pas la raison de fin aptitude des espèces à rebondir quelques années après. En outre, on ne connaît aucune maladie capable de décimer tant d'espèces et de genres. Quant au climat, en admettant que les glaces soient en cause, Geo Pilgrim assure qu'à peu près à la même époque, nous assistons à une semblable extinction des mammifères en Afrique et en Asie, mais que dans ces cas, elles n'étaient peut-être pas dues aux conditions glaciaires. Cependant, même une catastrophe climatique soudaine et universelle n'aurait pu à elle seule exterminer de façon si radicale autant d'espèces sur une si grande étendue. Et le changement de climat ne suffit pas à expliquer l'extinction de la merveilleuse faune du Pléistocène. On a émis d'autres suggestions, comme des nuages de gaz issus des volcans, qui auraient anéanti des troupeaux entiers de mammifères. Mais quelle aurait dû être la taille de ces nuages pour parvenir à couvrir la quasi-totalité du globe? Tous les volcans de la Terre, en éruption simultanée, n'arriveraient pas à détruire un si grand nombre d'espèces et de genres. Il a fallu qu'une coalition d'agents destructeurs unissent leurs forces lors d'une véritable révolution climatique pour balayer autant de genres et d'espèces qui représentaient la majeure partie de la population animale. La mort de tant d'animaux et de tant d'espèces est due aux catastrophes répétées. Sur certaines parties de la planète, des espèces se sont éteintes, tandis que sur d'autres, quelques individus réussissaient à survivre. Ainsi, les chevaux et les chameaux des Amériques furent annihilés jusqu'au dernier, alors qu'en Eurasie ils ont été décimés mais non exterminés. Les mammouths, mastodontes etc. ont totalement disparu de l'ancien monde comme du nouveau. Leur fin n'est pas due au manque de nourriture, ni à une évolution organique inadéquate. Ils disposaient d'une abondante nourriture, d'un corps solide, d'une admirable adaptation, d'une bonne procréation, mais il n'y a pas eu de persistance du plus apte. Ils sont morts comme si un vent mauvais leur avait coupé le souffle, abandonnant leurs cadavres sans aucun signe de dégénérescence dans des fosses d'asphalte, dans des marais, dans du sédiment, dans des cavernes. Les descendants d'espèces décimées ont probablement survécu quelque temps, voire plusieurs siècles. Mais, confrontés à de nouvelles vicissitudes d'ordre climatique, et réduits à vivre dans un environnement différent, sur des terrains appauvris, manquant d'herbe, où les proies se faisaient rares, ces quelques individus ont suivi le reste de la troupe en perdant la bataille pour l'existence, et en abdiquant finalement dans la lutte pour la survie d'une espèce. Les incendies de forêt, les éruptions de volcans, l'envahissement de la mer, les affaissements de terre ont largement pris part aux destructions, les pâturages appauvris et les forêts dévastées, n'offrant plus de conditions favorables aux survivants effrayés et solitaires, ont achevé l'œuvre exterminatrice.